fluide, c'est un mouvement qui suit un flot, qui suit un élan, qui suit un départ. Il y a comme un départ, et puis effectivement, il y a tout, comme tu as dit, à propos des arrêts, du continu et du continuum, des vitesses et tout ça. Mais ça fait comme si voyager avec le flow, quoi, un truc comme ça. Et le lâcher, ça peut être des parties du corps différenciées qui perdent leur tonicité musculaire et deviennent un mouvement sans forme précise, sans forme voulue. Le moment où je l'ai fait, le solo, j'ai pas fait semblant. J'étais vraiment énervée, ce qui m'a valu une contracture de la ceinture scapulaire pendant 4 jours. Le professeur donne ses cours de danse avec les éléments de ses propres chorégraphies qu'il représente lors de spectacles communicatifs et interactifs avec le public. Comment la danse s'engage-t-elle dans ta vie? Comment mesures-tu ton implication dans la danse? Comment la danse prend sa part dans ton quotidien? Comment ton quotidien est-il influencé par la danse? Quel est ton engagement vis-à-vis de la danse? L'engagement, au départ, moi, ça me fait flipper. S'engager dans quelque chose, ça me fait un peu peur. Maintenant, je suis plus à l'aise avec ça, je crois. Je considère que, pour l'instant, mon application, elle est limitée. Parce que je constate que j'aime passer du temps à faire autre chose. Je considère mon application comme... comme une phase d'apprentissage dans laquelle je suis. Quand je vois que c'est une implication qui nécessairement est entière dans mon être. L'enseignant de danse propose à ses élèves des mouvements ou des enchaînements de mouvements, mais n'oublie jamais de les autoriser à inclure leur personnalité dans chacun de ces mouvements. J'ai été puisée dans un des ressentis qui me fait le plus vivre des choses physiquement dans ma vie. À de nombreuses reprises, je me suis rendu compte que je me faisais dépasser par les ressentis physiques que j'avais quand j'évoquais les sujets de genre et d'inégalité et d'injustice et de... Ces choses-là, je ne pouvais plus les contrôler parce qu'elles étaient physiques et donc j'ai puisé là-dedans et c'est pour ça que ça avait, je pense, un côté sincère parce que ça l'était. Et je vois aussi que même si, que, par exemple, une semaine avec peu d'implications physiques, ça change énormément de choses. Et je vois que j'ai compris que mon implication dans le monde de la danse, elle est obligée de se faire presque au quotidien pour ma pratique. Elle danse une minute de danse par jour. Et en fait, je trouve ça juste super de pouvoir danser un peu tout le temps, un peu partout, dans tous les lieux, avec plein de gens ou personnes. Avec des éléments de la nature ou pas. Et je sens que justement, quand je suis hors d'un cours de danse, j'arrive plus à lâcher, quoi. Et j'ai envie de le trouver davantage dans les cours de danse, mais... L'esthétique du mouvement appartient à l'élève seul. L'esthétique inclure leur personnalité.